Bonjour, you're listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul on KFI.org. If you wish to contact us, you can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or you can check us out on Facebook, Facebook Messenger, or Bonjour Minnesota at gmail.com. Tonight, this is Freddy, and I'm by myself because it was not planned. We were not supposed to come to the studio, and it was kind of last minute. I was going to do like a pre-recorded show, and I get busy, and I couldn't really get to it, and it takes more time than just coming to the studio, so I decided to just show up with my playlist, which was already ready, and there it is. I am there. So next week you'll probably hear from Romain and Adrien, if they are available. Tonight is going to be a special show commemorating Memorial Day. So, and actually not just Memorial Day, but on May 8th was the end of World War II and the surrounding of the German Nazi. And on June 18th, it's the General de Gaulle, the call of the General de Gaulle. So there's, you know, there's the D-Day coming up too. So between all of these events, I decided to do like a theme more kind of like war, army and celebration. So tonight we're going to start with L'Appel du Général de Gaulle. It's called the 18th of June, but really it was recorded on the 22nd in 1940. And he came like, all the explanation is going to be there, but in French. So if you don't speak French, I'm going to give you like just a brief recap. Basically, the French got beat up really bad, and when the Vichy government and Maréchal Pétain decided to ask for the capitulation, General de Gaulle said, heck no, and he was in London, and he made this call to call all of the French patriots, the fighters who wanted to keep on fighting with the English who had not capitulated, and to help the free France. So that was the beginning of it. So we're going to listen to the speech, and just right after, there's going to be a song from Dalida called Le Jour le Plus Long, or The Longest Day. And I believe it was part of the soundtrack of the movie The Longest Day, with, you know, a plethora of very famous actors, both French and American, like John Wayne and Robert Mitchum, and a lot of them. All right. Well, on y va. Maybe, or maybe not. Speaker's good. I need to make sure the level is good. Oh, I need to push the on button. All right, let's do that. L'État à la guerre dans le dernier gouvernement de la Troisième République arrive à Londres le 17 juin 1940. La veille au soir, à Bordeaux, le maréchal Pétain avait formé un nouveau gouvernement qui, aussitôt, avait demandé aux Allemands l'armistice. Le maréchal, ayant invité les Français à cesser le combat et à déposer les armes, le général de Gaulle décide, le 18 juin, de lancer à la radio de Londres son premier appel à la résistance. Il n'y a malheureusement aucun enregistrement de cet appel historique, pas plus qu'il n'y en a du discours prononcé le 19 juin, alors que quelques dizaines de volontaires ont déjà répondu à l'appel de la veille en se présentant au bureau du général. Le 22 juin 1940, les termes de l'armistice sont connus. Le général de Gaulle demande aux chefs des territoires d'outre-mer de refuser le déshonneur. Et pour la troisième fois, il s'exprime au micro de Londres. Voici l'enregistrement intégral du discours prononcé au soir du 22 juin. Now here is a statement in French of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was Undersecretary for War in Monsieur Paul Reynaud's cabinet. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le Général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Nous irons. Et voilà, so it was l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, or the call of the General de Gaulle from June 18, 1940. And then it was followed by Dalida with Le jour le plus long, or The Longest Day. Now we're going to listen to more songs. The upcoming song is going to be from Stone and Chardin with Made in Normandy. And it's a song about an American soldier coming for the D-Day. Then we're going to listen to two songs from Georges Brassens. The first one is going to be La Guerre de 14-18, which is World War I, and according to his song, that's the one he prefers. And then another one from Georges Brassens called La Mauvaise Herbe. And La Mauvaise Herbe literally means the bad grass, but it's more like the weed. And therefore, I mean, in this song, he's being reproached to have gone back from the war alive when so many people have not. So he's singing about the hypocrisy of it. So, all right. And before that, we're going to have some announcements. This is a message for Minneapolis and Tours sister cities. Minneapolis and Tours sister cities seeks board members. The French city of Tours in central France has been our friend and sister city for 30 years. To support the relationship, the non-profit organization Minneapolis and Tours sister cities hosts visitors, connect people and organizations, and encourages cultural and educational exchanges. We are currently looking for new volunteer board members. So if you're interested in connecting with our French sister city, we want to hear from you. One specific opportunity is for marketing and social media support. To learn more about our organization, please look over our website at mplstours.org or contact us at mplstourssc podcast@gmail.com. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Comme on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je l'ai raconté, et dans mon cœur j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais du Normandie, les semets du Normandie, les femelles du Normandie. Les filles au jour rouge, qui de nos hommes ne l'aiment pas, qui de nos hommes ne l'aiment pour l'amour, mais d'une Normandie. Oh oui, les filles au jour rouge, qui de nos hommes ne l'aiment pas, qui de nos hommes ne l'aiment pour l'amour, mais d'une Normandie. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. 1944, tu es parti loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre. Oh,

Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, FrenchAndFrancis@gmail.com. Et voilà, voilà, voilà. So, we just listened to Stone and Chardin with Made in Normandy, and then two songs from Georges Brassens, La Guerre de 14-18, The War of 14-18, and La Mauvaise Herbe. You just heard also the announcement about the web show that I'm putting together about every 2 weeks or every other weeks. So French Influences Radio Show Therapy, and you can, it's on Mixcloud, and you can find it there. But if you look at the programs also on KFAI.org, you know, you look at programs and French Influences, you can also access it from there. It's been about 2 years now, and it's different from Bonjour Minnesota. So check it out. More music, less chatting, and that sort of things. I also wanted to mention that I just read that the mask, the mandatory mask was lifted by Minneapolis and St. Paul in the Twin Cities. So both cities, the state had lifted it, but each city was still able to decide for themselves whether they wanted to enforce it or not. And today, first Minneapolis, then St. Paul decided that we would no longer have a mandatory mask, a mandate. All right. So now we're going to listen to more songs. The first one we're going to listen to is Le Déserteur, which is a very famous song because it was pretty controversial. It's about someone who's deserting and its reasons. It was banned from radio and airplay for a very long time. It came out during Indochina and the Algeria conflict. And several people covered it. So it was originally by Boris Vian. And the version we're going to listen to tonight is live from Serge Reggiani. Then after that, we're going to listen to two songs from Yves Montand about, you know, soldiers. And the first one is J'avions reçu commandement. So I received like a command to go to the war. And then the second one is going to be Quand un soldat s'en va en guerre, when a soldier goes to war. All right. On y va. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Je ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, une sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir drait, aussi drait qu'un pic, un piquet. Et fallait se tenir drait, aussi drait qu'un pic, un piquet. Il y en avait sur leurs chevaux qui faisaient bien 2 mètres, avec 2 ou 3 plumes zozio plantées dessus leur tête, et 2 poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Ils m'ont placé en faction devant une citadelle. Ceux qui ne connaissions point mon nom m'appelions Sentinelle. À chaque chat qui passait, fallait crier Coucchi Coucché. À chaque chat qui passait, fallait crier Coucchi Coucché. Ils m'ont mené dans un grand champ qu'appelions champ de bataille. On s'étripait, on s'épiolait, c'était pique de la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et me voici. Leur haut fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pack à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des pleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Et voilà, et puis voilà, il a juste eu de la veine, so... We just listened to the first song was from Serge Reggiani, was a cover from Boris Vian, Le Déserteur, and he was alive. Then we listened to 2 songs from Yves Montand, Yves Montand with J'avions reçu commandement, and quand un soldat s'en va en guerre. And yeah, the deserter. I wanted to say something that Romain mentioned about the song. This song is ending by saying, you know, Monsieur le Président, I will not have any weapons, so you can warn your gendarmes that they can do what they want. They can shoot me if they want. Where the original version was censored for a long time was saying, you know, Monsieur le Président, you can tell your gendarmes that I will be armed and I know how to use it. And Mouloudji, when Mouloudji, the singer, covered that song when he was no longer censored, thought the end was a little bit harsh and, you know, shooting the gendarme and whatever. So that's why the end was changed. But also, I mean, like everybody covered it that way after that. So now we're going to listen to another three songs. And the first one is going to be from Jacques Brel. And it's a song we already listened on the show, but, you know, not everybody listens to all shows, and except some very, very loyal listeners, and we have some. Then, so, au suivant means next, and he's traumatized by the fact that, you know, he's just a number, and, yeah, traumatized by it, in the army. And then we're going to listen to two songs from Léo Ferré. The first one is Miss Guéguerre, or All the Reason Why People or Governments Go into War. And the second one is Regardez-les, Look at Them, you know, and he's talking about soldiers going on to war. So, all right, on y va. Et suivant. Au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant. Au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant. Suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse ou alors un sourire ou bien avoir le temps. Mais au suivant. Suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tas de jus dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Allons au suivant, mes enfants, allons au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix, depuis, je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer. Au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant. Un jour, je me ferai cul-de-chat ou bonne sœur ou pendu. Enfin, c'est machin où je ne serai jamais plus, non. Le suivant, le suivant. Tu ne veux pas qu'on te foute

n'ont pas de frontières. Nous sommes tous les enfants de la même terre. Prends ton fusil, mon ami, c'est pour la dernière fois. On dit ça et voilà. Pour le droit, pour la loi, on remet ça. Prends ton fusil, mon ami, si tu savais t'en servir, tu pourrais t'affranchir. Pour le droit, pour la loi, mais voilà, on ne sait jamais pourquoi ces choses-là se font pas. Regardez-les défiler. Regardez-les défiler. Regardez-les défiler. L'autre jour dans mon courrier, j'ai reçu des papiers. J'en suis, je vous le dis, j'en suis resté tout pâle. Et voilà. It went a little bit fast to move on to the next song. So we just listened to three songs. The first one was from Jacques Brel called Au Suivant. The second one was from Léo Ferré with Miss Guéguerre. And the last one was Léo Ferré with Regardez-les. I'll look at them. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. I'm by myself tonight, but next week... My friends will be there and we'll be able to have a conversation. But tonight we're going to listen to more music. It's a special Memorial Day, so we have a lot of different artists playing and tribute to soldiers, fell, and that sort of thing. So we're going to keep on going. A little bit later, we're going to talk about the events coming up. Right after this series, actually. So right now, we're going to listen to Mouloudji with Le Conscrit. Then, Le Conscrit is someone who's drafted. Then, Kate and Anna McGarrigle with Avant la Guerre, Before the War. And then, Chanson d'Anarchiste with Abiribi. And Biribi is, I'm assuming, a place in North Africa, but I'm not exactly sure. But that's where they send some of the soldiers. So, all right. On y va. L'autre jour dans mon courrier, j'ai reçu des papiers. J'en suis, je vous le dis, j'en suis resté tout pâle. On me disait tout de suite, t'allais me présenter à la caserne qui se trouve dans mon quartier. Je m'en vais donc là-bas et je leur dis c'est moi. Je viens ce matin pour voir de quoi qu'il tourne. On m'a donc fait entrer et je leur ai demandé à voir celui-là qui m'avait convoqué. Me v'là dans un bureau qui était pas ben beau. Y'avait, c'est vrai, une petite secrétaire avec un uniforme qui collait à ses formes. Je m'en suis senti bientôt ragaillardi. Mais il y avait aussi un militaire assis qui me dit, mon petit, ben, qu'est-ce que vous venez faire? Moi, j'y ai répondu, c'est qu'on m'a convoqué, monsieur soldat, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit, garde à vous. Eh ben, où vous croyez-vous? Je vois, ma foi, hein, vous êtes une forte tête. Vous asseoir devant moi, ça se passera pas comme ça. Debout, sans retard, ou je vous fourre au mitard. Moi, j'y ai répondu, je suis qu'un jeune conscrit. Y'a pas d'offense, si je connais pas l'usage. Je vous voyais assis, je me suis assise aussi. Voici, voici pourquoi j'agis ainsi. Je me suis relevé et je lui ai avoué que j'étais pincé pour sa petite secrétaire. Puis j'ai voulu savoir si elle sortait le soir et si les bleus avaient le jeudi pour eux. Il est venu tout noir, c'était pas beau à voir. Il s'est levé et m'a botté les fesses. Et puis il m'a conduit chez un ami à lui, un adjudant qui m'a fourré dedans. On m'a rééduqué toute la matinée. L'après-midi, j'ai balayé les chiottes. Et ça a continué pendant des mois entiers. Jamais jamais j'avais tant balayé. Quand je vois les autres gars marcher sans se tromper pas, je me dis que moi je suis un incapable. J'ai pas de coup au fusil et dans ma compagnie on me dit que je suis le plus con des conscrits. Ils me l'ont répété pour faire un bon troupier. Bobé, hissé aux officiers de carrière, Dubois est adjudant, il finira lieutenant, pourvu qu'on trouve le moyen de vivre sans temps. Pour émerger du rang, un seul commandement, travail constant, devoir et discipline. Moi si pendant 20 ans je balaye les latrines, je vois pas pourquoi que je serais pas commandant. Ramène-moi jouer là-bas, allons. Il y en a qui font la mauvaise tête au régiment. Ils tirent au flanc, ils font la bête inutilement. Quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort. Ou que le plus malin désespère de faire chibi, car on peut jamais se faire la paix. Abiribi, Abiribi. Abiribi, c'est là qu'on marche, faut pas flancher. Quand le chaouche crie en avant-marche, il faut marcher. Et quand on veut faire des épates, c'est peau de zébi. On vous met les fers aux quatre pattes. Abiribi, Abiribi. Abiribi, c'est là qu'on crève de soif et de faim. C'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin. Le soir, on pense à la famille sous le gourbi. On pleure encore quand on roupille. Abiribi, Abiribi. Abiribi, c'est là qu'on râle. On râle en rut. La nuit, on entend hurler le mal. Qui qu'aurait cru qu'un jour il serait forcé de connaître Mamsel Billy. Car tôt ou tard, il faut en être. Abiribi, Abiribi. On est sauvage, lâche et féroce quand on en revient. Si par hasard on fait un gosse, on se souvient. On aimerait mieux quand on se rappelle ce qu'on a subi. Voir son enfant à la nouvelle. Kabiribi, Kabiribi. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. And now, I'm going to talk about the events. On Wednesday, June 2nd, at 12:30 p.m. Central, Déjeunons en Français Online. It's organized by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. And you can get tickets at afmsp.org. There's a small cost, and it's kind of like a conversation group. It's led by an Alliance Française instructor, and you need to register for it. On Saturday, June 5th, at 9:30, actually, there's three events at the same time. Two of them that sounds very similar. So Le Petit Déj de June, and the Petit Déj is what it used to be, like a French conversation group, very casual, but it's going to be in person at the Alliance Française. And at the same time, they have another event called Café de Bienvenue, the Welcome Café, and it's also at the Alliance Française. And both of these events, Petit Déj and Café de Bienvenue, are in person. So I recommend that you go to the Café de Bienvenue on the Facebook page or the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul, because you still need to RSVP, and even though there is no cost, there's quite a bit of instructions. I mean, it's in person, so, you know, there's going to be masks, and they want you to RSVP to know about how many people will be there. Otherwise, at the same time, from 9:30 to 10:30, still by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul, there is Pause Café Online. So there is a small cost for that, but it's led by one of the Alliance Française instructors. Then next week, on Wednesday, June 9th, at 7 p.m. Central, Les Navigateurs de la Littérature, so it's a book club, Les Oubliés du Dimanche, and it's a book from Valérie Perrin. I mean, there's no cost and it's online, so you need to RSVP if you want the Zoom link. It's about World War II, and it's about a story during the war and the story being transmitted from generations to generations. also the MSPIF is over, but if you go to mspfilm.org, they still have some virtual cinema with some new movies. So feel free to check them out. Also, if you want to know about more events, you can always go to afusa.org. It's the site for the Alliance Française, and they list the events for most of the Alliance Française throughout the country. Et voilà, c'est fini. Back to the music. So, we just listened to three songs, because I work by three. The first one was Fumbology, called Le Conscrit. Then we listened to Kate and Anna McGarrigle with Avant la Guerre. And then Chanson Anarchiste with Abiribi. And I was kind of curious about what Abiribi meant. And looking back to the web, you know, it seems like it was a base where the toughest army were and the toughest battalions. And these battalions were made of people who normally should have gone to jail. So when they sing that, it's like when they send you over there, you're in trouble pretty much. You listen about the event, and that's pretty cool. I also wanted to specify that the Alliance Française of, I mean, that's located in New York City, the French Institute Alliance Française, they're going to have a celebration of Serge Gainsbourg. And so you can get more information at fiaf.org. And it's a special event celebrating Serge Gainsbourg with Jane Birkin and Charlotte Gainsbourg and La Comédie Française. There's going to be a virtual talk with both Jane Birkin and Charlotte Gainsbourg on Thursday, June 10th. So it's next week at 6:30 Eastern. And it's moderated by Michael Cooper. Yeah. So go on the website, and it appears to be both. Yeah, I mean, there's no cost, and that seems to be really good. So check it out, especially if you like Serge Gainsbourg. Just as a reminder, I did a special French and Francais on Serge Gainsbourg. The only thing is I don't remember which number it was, and it was about a year ago at least. So, all right. Now we're going to listen to more music. We're going to listen to Le Vent du Nord, our Canadian friends, Québécois, with Le Retour du Fils Soldat, The Comeback of the Soldier's Son. And it's talking about a son who's coming back from the war, and the mom thought he was lost. Then we're going to listen to Trianne with Guerre, Guerre, Vente, Vente. And Corrigan Fest with Je suis fils. I'm a son of... And the idea, and these two, both Trianne and Corrigan Fest, are more like from Brittany. So you're gonna hear about it. They definitely sound like it. All right, on y va. Madame, je suis bien égaré. Donnez-moi l'hospitalité. Je suis un pauvre militaire qui connaît personne par ici. Soulagez donc un pauvre conscrit. Monsieur, portez votre corps plus loin. Nous n'avons plus d'appartement. Tout est plein dans notre chaumière. Portez votre parc plus loin. Vous trouverez un logement. Mon doux monsieur, quand vous me parlez, ah, oh, je crois que vous êtes mon enfant. Qui est parti, c'est pour la guerre, s'en est allé dans le fond du Nord. Ah, je crois bien, oh, qu'il est mort. Madame, votre fils n'est pas mort. Ah, je crois qu'il existe encore. Je l'ai vu dedans la

Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé. Et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier. Enfant de cette nation et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Et voilà, so we listened to Le Vent du Nord, Le Retour du Fils Soldat, and they are from Quebec. Then it was Trianne with Guerre, Guerre, Vent, Vent. And then Corrigan Fest with Je suis Fils, coming from their album La Victoire en Chantant. And I just looked them up and turns out that I thought they were from Brittany, but because it's like sailor songs, but no, they're from Quebec. So Corrigan Fest. Just check them out there on Bandcamp. Turns out that this coming Friday is Bandcamp Friday. For us, it doesn't change much because we pay the same price or whatever we want to pay. It's very frequent on Bandcamp that either there's no price or there's a price that's minimum, and then you can give what you want above that. But the difference with Bandcamp Friday is that Bandcamp is not taking their commission. So there's more money going to the artists, and it's getting a little bit better because a lot of them are going back on, you know, playing in concert and, you know, doing their tour, but it's not easy for everybody. So, all right, let's keep going on Memorial Day songs. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie, and I'm here until 10 o'clock. Just after that, it's going to be Balkan Jamboree. We're here each week from 8 to 10, and sometimes it's pre-recorded, sometimes the three hosts are there, and it changes every time. But if you missed us and want to check us out, go to kfai.org/program/Bonjour Minnesota, and you got the archive since 2018 or something like that. So it's a lot of listening, knowing that each show is 2 hours. We're going to keep going with Mademoiselle K, with Jamais la paix, never the peace. And then Noir Désir with Désarme, and it's a poem from by Léo Ferré. And it's pretty, the one by Léo Ferré was fine, but they made it a different version that's really awesome. And it's short, but I'm goosebump. I don't know, it gives me goosebump. Then we're going to listen to a band called Guerilla Poubelle. So guerilla is the same word, poubelle is a trash. And they are kind of like punk rock. And it's called Vivement la Guerre. I hope war is coming up soon. So, on y va avec Mademoiselle K pour démarrer. Time. paix. Jamais la paix. Gagne bras de fer. Laisse camper sur terre. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Are you a writer, a reader, a curious person? Are you looking to get more involved in the Minnesota literary community, to hear live interviews with local and national authors, and to hear great book recommendations and behind-the-scenes facts about book publishing? Listen to Write On Radio from 7 to 8 p.m. every Tuesday here on KFAI 90.3 FM and live on the web at kfai.org. Et voilà, so we just listened to Mademoiselle K with Jamais la paix, Never the peace, Noir Désir with Désarme, originally from Léo Ferré, and Guérilla Poubelle with Vivement la guerre. We're going to keep going on a kind of punk rock side, like for a couple of songs. The first one is going to be from Ludwig von 88 with Lapin Billy s'en va en guerre. Lapin means rabbit, and Billy is the first name, so I'm assuming it's kind of like a nickname, and he goes to war. Then Les Berruriers Noirs, also a punk band with Johnny Revient de la Guerre. And we're going to finish the set with something much softer in terms of music, because it's Maxime Le Forestier with Parachutiste. But the lyrics are pretty good, too. I mean, it's really good, so check it out. All right, on y va. For the stars qui dans la cité, ouah, ouah, ouah, hey! Pour le travail, pour le justice, ouah, ouah, ouah, oh! On nous tire comme des lapins, ouah, ouah, ouah, hey! Massacré à coups de fourchette, ouah ouah ouah, hey! Donner piquer ses baskets, ouah ouah ouah, on l'a retrouvé dans le ruisseau, ouah ouah ouah, hey! Enculé par une pompe à vélo, ouah ouah ouah, c'est la jungle, on a tous crevé, tous les bons coups de cour après, on en garde une vraie connerie, acclamé par les pop pop pop pop pop pop. Ouah ouah ouah, hey! Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat s'est formée ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste. It was Ludwig von 88 with Lapin Billy s'en va en guerre. Then Perruyer Noir with Johnny revient de la guerre. And Maxime Le Forestier with Parachutiste. Sorry, I was a little bit distracted. I'm going to play more song, so whomever was calling can call and try again. But you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, or KFAI.org. So now we're going to listen to three songs. The first one is going to be from Daniel Balavoine, and it's called Petit Homme Mort au Combat, Little Man Dead During Combat, and it's a song about, you know, children waging war, being enlisted. And then we're going to listen to Indochine with La Guerre est Finie, The War is Over, and Mano with L'Avenir est un long passé, The Future is a long past. And he's basically talking about people who experience, and I mean, he's putting his place about people who experience different wars, like World War One, World War Two, etc., etc. All right, let's get going. penser quand je te vois. De l'amour, de la haine, ne te noie pas sans moi. Alors viens me dire, viens m'offrir, viens me sourire. Viens me dire ce que tu penses de ça, de moi, de toi tout bas. Tout bas. Sur un lieutenant, l'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comment cette époque, le mal est déjà caporal? La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. l'avenir est un monde passé. L'avenir est un long passé. Une pupille noire, entourée de blanc. Le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands. 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas homme d'action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours. Le cap qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords. Comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça. Se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas le mal. Et maintenant général, de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé, une pupille noire entourée de blanc. C'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants. C'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, dur a été mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil. À toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes. La réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier. Tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question. Est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal. Comme à chaque fois, avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler, j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir est-il un long passé? Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. It's almost the end. There's still 10 minutes before Balkan Jamboree. But we have a set coming up. So we just listened to Daniel Balavoine with Petit Homme Mort au Combat. Then it was Indochine with La Guerre est Finie. And Mano with L'Avenir est un long passé. Now we're going to listen to three songs. The first one is going to be from I Am, a rap band from south of France, from Marseille. And the name of the song is Le Soldat, not the soldier. Then we're going to listen to Amadou and Mariam from Mali with Combattants, fighters. And they say that, you know, fighting is not about only the war, but also about a day-to-day thing. And Les Nubians with La Guerre, or the war. All right, and after that, we'll see. It's probably going to be time to say goodnight. Les opérations commence ma compagnie à faire prêter des missiles. S'il lance sur la colline d'en face des canons, crache des feux de l'enfer, obéissant aux galons. Combien d'amis sont partis, combien d'amis restent enfermés dans un asile opérationnel sur le terrain peste, soit avec leur sourire qui me tue tous les jours. Les hélicos me rendent fou, les hommes courent afin de fuir la mort qui fauche les corps. Quelle coche, la vie est un poker, la fin est moche, c'est une quête floche. Même dans mes pires cauchemars, ce n'était pas si sordide d'un fratricide légitime impuni. Ce n'est qu'un jeu macabre dans un champ de plaques de marbre où les plus fiers se retirent pour aller mourir sous un arbre. Les horreurs du combat, en tout cas, m'ont vite appris la raison pour laquelle ceux qui sont morts sourient. Les obus pleuvent autour, coupant les arbres à chacun. Patte claque seulement pour mutiler. Est-ce bien utile et futile? Mon rôle dans la mêlée, la clameur comme mille balles me frôle. Maintenant c'est pour de bon le front. Nos officiers tuent de sang-froid ceux qui de nous se cachent et pour un reculant connaître leur visage. Ne t'en soucie pas, c'est une simple histoire de soldats. C'est une simple histoire de soldats. Les pompes font rage, l'oreille du bois et couleur pourpre jonchée de cadavres. Je n'hésite pas à tirer aveuglément sans savoir. Prendre le train de la vie pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Quand je pense à la nuit dernière sans étoiles, où les balles traçantes de tisser leur toile, l'étale, j'avais si peur de mourir, d'être blessé et pourrir. L'angoisse me tétanise et j'ai trop de mal à me nourrir. Ceux d'en face ont peut-être le même âge que moi. Ils ont une mère qui sera inconsolable s'ils n'en reviennent pas. Et qui sait, ils auraient pu être mes amis. Chaque fois que j'en vois un sans vie, je vomis. C'est fou ce qu'on peut penser quand on est sur d'y passer. Chassé, coincé dans un fossé, creusé, tout prêt à enterrer. Regarde autour, l'horreur est d'inviter aujourd'hui. Assister dans son œuvre noire de dame folie. Connaître mon visage, ne t'en soucie pas. C'est une simple histoire de soldat. C'est une simple histoire de soldat. Tout en haut de la colline, je n'arrive pas à croire que l'ascension fut si facile. La résistance adverse fut faible. Notre colonel se vante d'avoir fondu comme un aigle sur l'objectif qu'on nous ordonne d'inspecter, de bien être attentif afin de prendre des prisonniers. Quand j'arrive sur les lieux, tout n'est que cendres et poussière. Les gars des félicités sont tous fiers. Les bâtisses ne présentent aucun aspect hostile. Mon Dieu, on a massacré des civils. Je cours au milieu des corps des familles décimées. Des tas de gens paisibles que la guerre a tué. Nos généraux, nos colonels en ont pas perdu le sourire. À croire qu'ils le savaient, mon âme me dit tire dans le tas. Tous ces meurtres pour une raison unique: prendre la colline, un endroit stratégique. Le drame est intérieur depuis ce jour-là, j'attends. J'ai perdu mon humanité ce beau matin de printemps. En vérité, je n'ai jamais su pourquoi je me bats. C'est une simple histoire de soldat. La vie est un combat, nous sommes les combattants. La vie est un combat. genoux, moins jeune que nous sommes les combattants. Qu'on soit vieux ou vieilleux, bien nous sommes les combattants. Ne bécle qu'un miri, ne bécle qu'un miri, ne bécle qu'un ami, ne bécle qu'un ami, ne bécle qu'un joro, ne bécle qu'un joro. Laï laï laï la la, mama drasou laï la bangola. Bangola. La vie est un combat et bien nous sommes les combattants. La vie est un combat et bien nous sommes les I'm ready to say goodnight. I'll leave you in good hands with Nikolai and Balkan Jamboree, and we'll be here next week with more French music.